l'enfant chérit la mère, elle lui rend ses caresses. Quand il pénètre ses profondeurs monochromes, et il part souvent seul en savourer l'ivresse, puisqu'il ne connaît rien du scaphandre autonome. Biotope blafard comme une aube éternelle, ce monde fluide et doux est l'Éden retrouvé. Si sa faune et sa flore y sont sensationnelles, c'est d'un unique humain la matrice privée. S'est fait poisson et palme vers un trou où Élie domicile un vieil ami mérou. Nageoire frémissant comme des mains d'ondine, l'animal doucement se dresse pour mieux voir. Glissant vers lui en offrant sa poitrine, l'étreinte de ses bras prête à le recevoir. Mérou et l'enfant.